Chapitre 28e. Jean-Jacques Mousseron. D'emblée, l'homme déplut souverainement à Dutilleul. Jean-Jacques Mousseron devait péniblement dépasser le 1,70 m et n'était pas très bien proportionné, ce dont il devait souffrir secrètement. Dutilleul le sentit d'instinct. Jean-Jacques Mousseron avait un buste long, mais une largeur d'épaule moyenne. Le bassin, quant à lui, était posé sur des jambes trop courtes et certainement trop musclées. L'étoffe de couleur grise du costume était de qualité, sans doute de prix. Le visage, en revanche, était assez beau. Les yeux étaient d'un bleu très pâle, le nez était droit et les lèvres bien dessinées. La mâchoire, quant à elle, était un peu trop forte et volontaire. Les dents carrées étaient bien alignées. Les cheveux étaient blonds vénitiens, certainement éclaircis par un soleil récent. La cravate mauve était de bon ton. Une fois les salutations d'usage passées, Mousseron s'empressa d'aller se rasseoir, ce qui confirma Dutilleul dans son intuition première. L'homme souffrait d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de sa taille. Certes, il n'osait pas porter de talonnette, mais la tentation devait le démanger. Immédiatement, Mousseron tenta de prendre les choses en main, mais manque de chance pour lui, Dutilleul n'était pas d'humeur à se laisser faire. « Messieurs, je crains bien de ne pas avoir beaucoup de temps à vous accorder, » dit Mousseron d'une voix qu'il cherchait visiblement à rendre la plus impersonnelle possible. La mort de Marion Chardy est certes un drame terrible, mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à votre collègue l'an passé, je n'ai rien à voir de près ou de loin dans sa disparition. Alors inutile de perdre du temps, d'autant que j'imagine que celui-ci vous est aussi précieux que le mien. J'ai pourtant besoin d'un certain nombre d'éclaircissements de votre part, monsieur Mousseron, répliqua Dutilleul d'une voix tranquille. Si je peux vous aider, capitula Mousseron avec mauvaise grâce. Vous savez, je ne peux pas dire que je connaissais très bien Marion Chardy. Maître Vérel pourrait vous en dire beaucoup plus à son sujet. Pour ma part, je la voyais deux fois par an pour tenter de lui expliquer les résultats de l'année, en pure perte, les premières années. L'exercice était aussi ennuyeux pour elle que pour moi, mais comme c'était un passage obligé. Heureusement, elle a commencé à vraiment s'y intéresser les deux dernières années. Elle a posé une ou deux questions non dénuées de sens. Visiblement, elle projetait d'intégrer la maison. Elle s'intéressait à la gestion. Naturellement, il aurait fallu pour ce faire qu'elle consolide un peu sa formation de base, mais cela n'aurait posé aucun problème de la caser quelque part. Le salaire aurait juste été plus élevé que celui que nous accordons généralement à nos cadres juniors, mais c'est tout. Marion Chardy aurait pu se montrer beaucoup plus exigeante. Ne pouvait-elle pas prétendre à un poste dans la direction? Elle était tout de même l'actionnaire majoritaire, si mes informations sont exactes. Oui, effectivement. Cependant, ce n'était pas le genre. J'ai particulièrement veillé à ce qu'elle ne devienne pas l'une de ces filles à papa absolument ingérables, et je suis encore persuadé aujourd'hui d'avoir agi pour le mieux. Maître Vérel vous a bien secondé dans cette tâche. Loin de moi l'idée de le nier. Je m'étais soigneusement renseigné sur son compte avant de lui confier les affaires de Marion. J'avoue qu'à ma plus grande satisfaction, il a très bien mené les choses. Il possédait la fermeté nécessaire. Pourquoi ne pas vous être occupé personnellement de Marion? Après tout, elle était tout de même la fille de votre meilleur ami et associé. Jean-Jacques Mousseron eut alors un air plein de suffisance qui écœura aussitôt Dutilleul. C'est sans doute qu'il croyait, mais sachez bien, monsieur le commissaire, que Samson Chardy n'a jamais fait partie ni de près ni de loin du cercle de mes amis. Il ne sut exactement comment. Dutilleul parvint toutefois à dissimuler toute l'abjection que lui inspirait son interlocuteur. C'est d'une voix froide qu'il poursuivit l'entretien. Ce dernier point mérite une petite explication. Jean-Jacques Mousseron eut beau le considérer d'un air navré, il n'en était pas moins coincé. Il n'avait pas en face de lui un vulgaire subordonné qu'il pouvait envoyer promener au gré de ses humeurs. « Puisqu'il le faut, » dit-il de mauvaise grâce. « Voyez-vous, monsieur le commissaire, j'ai toujours pensé que Samson Chardy avait eu une chance insolente. Mais puisque j'avais l'opportunité d'en profiter, je ne voyais pas en quoi j'aurais dû me gêner. Oui, je me suis servi de Samson et je n'en éprouve aucune honte. L'homme était certes un concepteur de génie, mais il manquait singulièrement d'envergure. Il était incapable de se projeter dans l'avenir, de voir grand. Si on le lui avait permis, il serait demeuré dans sa chambre. C'est une façon de parler. Alors que CM Process avait un immense potentiel de développement. Je l'ai senti tout de suite. C'est l'unique raison pour laquelle je me suis embarqué dans l'aventure. Grand Prince, Samson m'a laissé tout ce qui ne l'intéressait pas, c'est-à-dire toute la partie commerciale. Au fond, il était bien content que je m'en charge. Lui jugeait cela vulgaire, l'imbécile. Je ne nie cependant pas que, grâce à ses constantes innovations, CM Process commençait à avoir une certaine réputation dans le milieu. Dès cette époque, nous ne cessions de battre les Asiatiques sur les marchés où pourtant ils étaient leaders auparavant. Alors même que nos coûts de production étaient 2 à 3 fois plus élevés, nous les battions à plate couture au niveau de la fiabilité. À la différence de leurs composants, trop souvent assemblés à la va-vite, les nôtres n'étaient que très rarement défectueux. C'est pourquoi, quand les Américains ont commencé à toquer à la porte de CM Process, j'ai immédiatement compris qu'il fallait s'engouffrer dans la brèche, même si cela devait obligatoirement se traduire par un sévère remaniement de l'exécutif. Jean-Jacques Mousseron pouvait bien faire la roue, son exposé, visiblement soigneusement mis au point dans ses moindres détails, n'était pas dénué d'intérêt. Aussi Dutilleul choisit de le laisser poursuivre. Dans ce domaine précis, Samson Chardy était totalement dépassé. Tôt ou tard, il aurait dû laisser les rênes, car comme je vous l'ai déjà dit, il n'avait pas la carrure. Il n'était qu'un concepteur de génie, ce qui était certes utile, mais très loin d'être suffisant. Surtout si on voulait que CM Process prospère dans ce domaine hautement concurrentiel. Tandis que vous, je savais exactement ce qu'il fallait faire, répondit Jean-Jacques Mousseron avec une morgue insupportable. Il manquait juste un petit coup de pouce du destin pour que je puisse mettre mes plans en application. Cette fois, Dutilleul ne parvint plus à dissimuler son dégoût. J'imagine que l'accident des parents de Marion a été ce petit coup de pouce tant attendu. Au fait, Samson Chardy était-il au courant de vos projets d'extension? Naturellement. Quoi que vous puissiez penser de moi, je n'avais absolument pas l'intention d'agir dans son dos. Qu'en pensait-il? Je pense, pour l'avoir fait comprendre, il n'approuvait pas. Il voulait que les processeurs restent fabriqués en France, ce qui, au regard de la conjoncture et des charges pesant sur les entreprises nationales, était d'une imbécilité absolue. Pour être en mesure de suivre, il aurait fallu renoncer d'entrée à tout bénéfice. J'avais beau lui expliquer que CM Process ne survivrait pas 2 ans dans ce contexte, il s'obstinait à ne rien entendre. Il me prenait pour un plaisantin. L'accident vous a en quelque sorte exaucé. Jean-Jacques Mousseron considéra Dutilleul avec aplomb. Oui, et alors? Je n'ai jamais eu autre chose en tête que le strict bénéfice de CM Process. Comprenez bien ceci, monsieur le commissaire. Un CM Process n'a jamais été pour moi un loisir ou un champ d'expérimentation plus ou moins loufoque, comme c'était le cas pour Samson Chardy. Celui-ci, quoi qu'on en dise, ne méritait pas son succès. Il fallait sans cesse le canaliser, le ramener à l'essentiel. Il n'avait aucune ambition, voilà où résidait son problème. Il me reprochait sans cesse de ne pas savoir m'amuser. Si je l'avais laissé faire, il aurait réduit en miettes CM Process, sans même s'en rendre compte. Il n'était qu'un gamin imaginatif, mais jamais vraiment satisfait de ses trouvailles. Il sautait d'une idée à une autre, sans souvent en mesurer toute la valeur ni les possibilités. Pour limiter les dégâts, j'ai dû embaucher une corde de développeurs. Samson Chardy donnait l'ébauche et généralement, cela n'allait jamais beaucoup plus loin. Tout juste, condescend-il à livrer une esquisse à peu près complète. Revenons à l'accident, si vous le voulez bien. Pourquoi aviez-vous invité Samson Chardy dans votre maison de campagne si vous l'appréciez si peu? Eh bien, pour tout vous dire... Pour la première fois de l'entretien, Jean-Jacques Mousseron sembla hésiter. Dutilleul ne le sentait plus si sûr de lui. L'homme voulait croire que cette conversation représentait un effort pénible, mais Dutilleul ne s'y laissa pas prendre aussi facilement. C'était surtout du cinéma destiné à se donner une contenance. Cependant, puisque l'individu semblait décidé à vider son sac, Dutilleul n'avait nulle intention de le brusquer. Mousseron reprit. « En fait, je ne me rappelle plus vraiment comment cette visite s'est décidée. » Depuis un certain temps, Samson me tannait pour voir la maison, alors j'ai fini par céder. Dutilleul douta par devers lui que Jean-Jacques Mousseron ait dû faire un effort aussi considérable qu'il le laissait entendre. Pourtant, vous étiez bien placé pour savoir que le virage de Puivenage-le-Vieux était très dangereux. sans qu'il comprît bien pourquoi. Dutilleul sentit que Jean-Jacques Mousseron retrouvait toute sa contenance. C'est d'un ton bien plus assuré qu'il répondit « Bien au contraire, monsieur le commissaire. Je n'avais pas manqué de lui en faire part. Il existe une autre route, certes un peu plus longue, mais qui permet d'éviter ce maudit virage. » Seulement, Samson Chardin n'a rien voulu entendre et vous le saviez pertinemment. Jean-Jacques Mousseron eut alors un sourire que Dutilleul, au regard des circonstances, trouva parfaitement déplacé. Il s'est montré aussi obstiné que d'habitude. Ce fut juste une fois de trop. Je savais que l'Alpine l'enverrait dans le décor à la première occasion. Ce n'est pas que je le désirais, mais cela faisait partie du possible avec quelqu'un comme Samson. Il était si orgueilleux, il se croyait toujours si fort. Il n'a fait que recevoir la monnaie de sa pièce, voilà tout.